mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets flanelles. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des boulets coton. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton.